Quand arrive un problème électrique, on est souvent désemparé. Alors, ne cherchez plus. Il y a les électriciens du Nord, 1025 Première Avenue, l'Ascension. Notre spécialité, les installations commerciales, résidentielles ou industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible. 40 ans dans notre milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Faites confiance à des pros. Contactez immédiatement les électriciens du Nord, 88-347-5103. Toute notre équipe salue le mois de l'arbre et de la forêt. Les Huskies de Rouyn-Noranda ont remporté la Coupe Memorial en défaisant les Moussettes d'Halifax 4-2 chez eux à Halifax. Ils tiraient d'ailleurs 2-0 jusqu'en deuxième période. Et question de savoir un peu, hier on n'a pas été capable de parler, évidemment ça devait être l'euphorie à Rouyn-Noranda. On parle avec Samuel Harvey. Salut Samuel. Salut Danny. Samuel, évidemment, c'est quoi le buzz quand vous êtes un petit marché, puisque Rouyn-Noranda, ça reste un petit marché de la Légion majeure du Québec, de gagner une Coupe Memorial? Ça doit être encore plus satisfaisant que la Coupe du Président encore. Oui, vraiment. On avait passé proche en 2016 de gagner la Coupe Memorial, puis on avait gagné la Coupe du Président, là, nécessairement. Ça avait créé un buzz. On a vraiment vu cette année qu'en gagnant la Coupe du Président, les gens étaient vraiment affamés pour gagner la Coupe Memorial. On voyait vraiment que dans la ville, l'importance de la Coupe Memorial était vraiment quelque chose. Fait que pour nous autres, c'est sûr qu'on voulait ramener ça pour l'organisation, on voulait ramener ça pour nous autres aussi, mais pour la ville également. Fait que maintenant qu'on le fait, c'est sûr que comme tu dis, il y a une espèce de buzz qui est vraiment quelque chose qui est vraiment beau à voir. Puis on est vraiment fiers de pouvoir donner ça à notre ville. Ça ne doit pas être le même feeling, hein? Vous avez affronté lors de la Coupe du Président, vous l'affrontez pour un match, mais c'est la Coupe Memorial. Ça ne doit pas être le même feeling où quand on est sur la glace, on oublie tout ça puis on se concentre. Je te dirais que, en fait, je pense pas que c'est le même feeling. Je pense que tu as raison parce que tu sais, c'est vraiment un match puis c'est pas une série 4-7. Fait que l'importance de commencer le match, de jouer, de bien faire ça puis de faire les bonnes choses en partant. Je pense que même si on perdait 2-0, on a connu quand même un bon match sur l'ensemble. Puis avec la foule qu'il y avait là-bas, puis ça, je pense que l'événement était encore plus grand que le match numéro 6, quand on a gagné la Coupe Président. Fait que c'est sûr que le feeling n'était pas nécessairement pareil. Puis on a quand même réussi à vraiment bien jouer, même si on était dans leur arsenal. Il n'y avait pas de panique à bord quand c'est 2-0? Non, il n'y a pas eu de panique. Dans le fond, c'est sûr qu'au deuxième temps d'arrêt de télévision, là, à 10 minutes environ en deuxième période, on s'est recentré et on s'est dit que, regarde, on était à deux tirs, dans le fond, deux buts d'égaliser la marque. C'était vraiment pas si pire que ça. Puis Félix Dibault a fait un très gros jeu, marqué un très, très gros but pour nous autres, qui nous a donné énormément de momentum et de jambes, je te dirais, avec notre premier but. Puis après ça, notre game s'est en allé en s'améliorant là, jusqu'à la fin. Fait que pour nous autres, le fait marquant de ce match-là, je pense que ça a été notre premier but. Puis après ça, on a vraiment. Oui, Samuel, évidemment, le bris d'égalité, là, quand vous avez gagné en prolongation contre les Moussettes, mais vous avez perdu la finale, c'est assez spécial, ça. C'est quand même spécial. C'est ça que ça avait nous qui avions gagné le match qui étaient déçus, puis ça avait eux qui avaient perdu la game qui étaient contents. Fait que, on trouvait ça vraiment bizarre. Puis, mais je pense que c'est les règles du tournoi, tout ça. Puis, de là l'importance de chaque match, puis l'importance de chaque but également dans les matchs. Fait que ça a été un sentiment un peu bizarre. Puis je te dirais qu'on a passé à travers ça assez vite parce qu'on savait qu'on avait une grosse demi-finale contre Guelph. Qui arrivait pas très longtemps après. Fait que c'était oui un sentiment bizarre. La première fois probablement que j'ai vécu ça. Là, on était comme des chèvres à une victoire, sauf qu'on a passé à travers ça assez rapidement et on s'est concentré sur quoi. OK. Dis-moi Samuel, c'était ton dernier match. Y as-tu pensé? Ouais, j'y ai pensé pas mal pour vrai. Ouais. Avant la finale, je savais vraiment là, que c'était mon dernier match. C'est contre Guelph, il y avait des chances que ça le soit, puis ça, mais. Avant la finale, je savais que c'était mon dernier match, puis je voulais vraiment profiter du moment, de chaque minute. Puis j'ai vraiment pensé oui. Puis après la partie, j'étais un peu nostalgique puis tout ça, parce que ça a été le 5 années extraordinaires là-bas à Rouyn que je n'oublierai jamais. Puis je suis vraiment, vraiment content d'être tombé dans cette organisation-là. On a eu des années assez exceptionnelles, puis je peux pas quantifier la chance que j'ai eue. Comme organisation, c'est dur à battre. Hein? Je les ai comparés, je sais pas si tu te rappelles des années 90, les Olympiques de Hall. Année après année, ils étaient toujours compétitifs. C'est comme organisation, c'est André Tourigny, c'est Gilles, là, c'est Mario Pouliot. Il y a des organisations qui sont, dans peu importe le sport professionnel, qui sont nées pour gagner, puis il y en a d'autres qui sont nées pour perdre. Puis les Huskies, me semble. Puis là, l'année prochaine, ce ne sera pas un club comme les Titans et Caddy Batters. Là. Ça l'est encore compétitif. Là. Comme joueur, ça doit être quelque chose. Hein. Oui, vraiment. C'est vraiment quelque chose pour vrai. Puis, au début, comme tu as dit, moi, ça ne rappelle pas. Je ne peux pas vraiment me rappeler de Hall et tout ça. Mais je m'en rappelle, moi. Puis c'était compétitif. Ouais. T'sais, au début, moi, quand j'ai été repêché par Rouen, on m'a tout de suite parlé de comment que l'organisation était sérieuse, puis comment elle prenait soin de ses joueurs, puis c'était le fun de jouer là-bas. Puis on n'avait pas encore connu les belles années qu'on a connues. Je sais, oui, il y avait eu des belles années quand même. Fait que je pense que ça part vraiment du propriétaire, ça part des gens qui travaillent pour l'équipe. Puis tout le monde est là pour le bien des joueurs. Tout le monde veut bien faire. Puis les joueurs, on veut redonner aux partisans, on veut redonner à l'organisation. Fait que c'est vraiment un bel environnement pour évoluer. Pour tous les joueurs qui vont être repêchés par Rouen, qui ont la chance de faire un camp, sérieusement, ils sont vraiment chanceux. Puis je suis vraiment content pour eux si ça arrive. Fait que je te dirais que c'est vraiment le fun d'évoluer là-bas dans un petit marché en plus qui marche bien. Puis la ville est incroyable. Ah, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Là, il se passe quoi avec toi, là? Est-ce que t'as des. Tu te concentrais sur les Huskies, c'était normal. Mais là, il se passe quoi? Est-ce que t'as eu des. C'est objectif un camp d'entraînement de Ligue américaine? Se faire inviter, j'imagine? Ben, dans le fond, là, pour moi, j'ai pas parlé beaucoup là, avec mon agent ces derniers temps parce que je me focusais vraiment sur la Coupe Memorial. Ça tombe bien, la poussière va retomber. Je te dirais que. Je devrais avoir des nouvelles dans pas longtemps, mais quand même, j'ai pas eu là, de confirmation, rien encore. T'sais, pour moi, le plan n'a pas changé. C'est jouer professionnel, c'est ça mon but. Si jamais ça arrive pas, je vais aller à l'universitaire canadien. L'Europe, ça te tente-tu? Parce que l'Europe, c'est du monde qui gagne des bons salaires, là. Ouais, l'Europe, c'est définitivement une option après mon parcours universitaire. Si je vais en Europe, je vais y aller après mon parcours universitaire parce que je veux vraiment avoir mon diplôme avant d'aller là-bas pour revenir après ça puis avoir fini avec l'école. Mais c'est définitivement une option si je m'en vais côté universitaire. Puis en ce moment, l'option numéro un, le plan numéro un, c'est jouer professionnel dans les ligues nord-américaines, dans les ligues professionnelles ici à l'Amérique du Nord. Est-ce que le fait que le camp d'entraînement du Canadien l'année passée, ça avait, ils ont Caden Primo, ils ont Lacouvé qui a quand même été quand même très très bon. J'imagine que Lindgren et McNiven, je ne sais pas ce qui va arriver avec eux autres, mais le fait que tu as joué pour le Canadien ou tu étais là au camp d'entraînement des Canadiens l'année passée, t'as assez influencé pour obtenir un essai avec Laval? C'est une bonne question. Tu sais, moi, personnellement, je pense que ça avait bien été au Canadien l'année passée. Ouais. J'avais fait de bonnes impressions. Comme tu dis, par contre, ils ont déjà des gardiens de but pas mal. Fait que, ça va dépendre de eux, de ce qu'ils veulent. Moi, honnêtement, j'ai pas de confirmation, rien côté avec mon agent. Là, je pense qu'on va en parler cette semaine. Sauf que si jamais eux sont intéressés, ben c'est sûr qu'on va les écouter et on va regarder qu'est-ce qu'il y en a. Puis c'est sûr que je pense que mon camp, comme tu as dit là-bas, il peut quand même avoir aidé. Je me suis fait connaître, puis oui, sur la glace et aussi côté personnalité qui ont pu me connaître et tout ça. Je pense que ça a été positif de y aller là-bas. Ben Samuel, félicitations encore une fois pour ta belle carrière avec les Huskies de Rouyn-Noranda. Coupe du président, Coupe Memorial, participation en 2015-2016 également. Félicitations pour le plaisir de se parler quand on a signé avec une équipe. Merci beaucoup, Dani, c'est gentil. Le gardien originaire d'Allemagne, Samuel.